L'orgueil nous incite à arrêter de prier. Or, un chrétien qui ne prie pas s'expose à commettre de terribles erreurs. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Les mines antipersonnelles constituent un des pièges les plus redoutables de la guerre moderne. En effet, ces mécanismes explosifs, habituellement plantés juste sous la surface du sol, sont conçus pour exploser lorsqu'ils sont activés par une pression ou un fil déclencheur. Leur objectif est simple, mutiler toute personne ou tout véhicule qui entre en contact avec eux. Parallèlement, sur le plan spirituel, les chrétiens doivent demeurer conscients des pièges posés sur leur route par Satan. Car si nous posons notre pied sur l'un d'eux par inadvertance, notre témoignage s'en trouvera estropié et notre efficacité pour le Seigneur mise hors de combat. Charles Stanley expose, dans cette émission, ses considérations sur le piège de l'orgueil. Vous écoutez En Contact. Un des pièges les plus destructeurs utilisés par un ennemi sur le champ de bataille est la mine antipersonnelle. Il s'agit d'un mécanisme conçu pour détruire ou mutiler tout ce qu'il déclenche. Contrairement aux pièges plus conventionnels, la mine antipersonnelle est camouflée au point d'être pratiquement invisible. Quand on la découvre, il est habituellement trop tard. Essayons maintenant de transposer ce danger dans la vie spirituelle. Car, à l'instar des mines antipersonnelles placées sur les routes, les pistes ou dans les champs pendant une guerre, Satan place des pièges sur le chemin de tous les croyants. Il n'existe pas pour nous de chemin dénué de tout obstacle caché. Non, chaque jour, nous avons à faire face à des pièges et à des mines spirituelles. Et si nous posons notre pied sur l'un d'eux, notre relation avec Dieu le Père s'en trouvera affectée, ainsi que notre témoignage personnel à notre entourage. Ces pièges spirituels peuvent aussi influencer la conduite de notre vie, c'est-à-dire les choses que Dieu peut faire et veut faire dans notre vie. Ils peuvent même provoquer notre destruction. Nous devons donc être en mesure de les détecter et de les identifier afin de protéger notre relation avec notre Père et notre témoignage personnel, car il pourrait compromettre sérieusement l'objectif de Dieu pour notre vie et sa façon de nous utiliser. Ouvrons maintenant notre Bible, si vous le voulez, dans le livre du prophète Daniel. Nous parcourons le 4e chapitre. Je vais résumer la situation pendant que vous cherchez le passage. Daniel avait interprété un rêve fait par le roi Nebuchadnezzar. Commençons notre lecture au verset 27 jusqu'au verset 30. « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Avez-vous remarqué le conseil du prophète? Mets un terme à tes pratiques habituelles, à tes péchés, à tes iniquités, pour que le Seigneur prolonge ta prospérité. Lisons le verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Daniel a donc donné une interprétation exacte du rêve de Nebuchadnezzar. Il prouve donc ainsi avoir accès à la sagesse de Dieu. Le roi en tiendra-t-il compte à l'avenir? Voyons nos deux derniers versets, les versets 29 et 30. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Il sera difficile de trouver une réflexion plus empreinte de vanité, d'égoïsme et d'orgueil dans toute la Bible ou n'importe où ailleurs. Relisons-la, verset 30. « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le piège de l'orgueil ». Dans le domaine spirituel, ce piège peut être tout aussi dévastateur qu'une mine antipersonnelle. son danger réside dans le fait qu'il nous est difficile de l'identifier, car nous n'aimons guère l'idée que nous puissions être orgueilleux. Habituellement, nous nions rapidement toute évidence de la présence d'orgueil dans notre vie et nous sommes trop souvent les derniers à la constater. Nous pouvons donc constater que l'orgueil est tout aussi dangereux qu'une mine, dans le sens qu'il pourrait également nous mutiler, nous faire du mal, nous blesser ou même nous détruire. Je souhaite qu'avant la fin de ce message, vous soyez capable de comprendre pourquoi il est essentiel de nous protéger contre le piège de l'orgueil. Commençons par nous mettre d'accord sur une simple définition de l'orgueil. Je vous propose celle-ci. L'orgueil est une attention exagérée que nous portons à notre propre personne. Elle est une distorsion, une vision tordue et enflée de qui nous sommes. Cette façon de nous voir ne plaît pas à Dieu, car nous nous donnons trop d'importance. Mes pensées, mes sentiments, mes possessions, mes ambitions, mes désirs et mes objectifs de vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que pense Dieu de toute cette question d'orgueil? Dieu déteste l'orgueil, et tout ce que Dieu déteste n'a rien à faire dans notre vie. Mais nous pouvons quand même chercher à savoir pourquoi Dieu déteste l'orgueil à ce point. Il y a à cela plusieurs raisons. Et la première est que l'orgueil est une des caractéristiques de Satan. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14, Dieu nous décrit Satan, et nous pouvons réaliser que l'orgueil fait partie de son caractère. Voyons comment Satan pense, versets 13 et 14. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Satan rêve de s'élever jusqu'à Dieu. Cela n'a rien de nouveau. Vous rappelez-vous où tout cela a commencé? Dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. C'est à cause de cet orgueil, parce qu'il veut s'élever jusqu'à Dieu, qu'il a attiré Ève dans un piège. Écoutez-le encore dans Genèse chapitre 3, verset 5. « Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » L'orgueil est au cœur du péché de l'homme. C'est pourquoi Dieu le déteste. L'orgueil est une caractéristique du diable. Regardons maintenant Proverbe 11, verset 2. Nous y verrons une des conséquences de l'orgueil. « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » L'ignominie est une parole ou une action dégoûtante. Alors un peu plus loin, dans Proverbe 29, verset 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Revenons un peu sur nos pas, toujours dans le livre des Proverbes, cette fois le Proverbe 16, les versets 18 et 19. « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Dans ces passages et beaucoup d'autres, Dieu exprime sa profonde aversion pour l'orgueil. Il la hait, car l'orgueil constitue un piège dans la vie d'une personne. Imaginez la situation suivante. Quelqu'un s'approche de vous et vous dit « Vous êtes très orgueilleux. » Quelle sera votre première réaction? Allez, soyez francs. Vous serez sur la défensive, vous chercherez à vous justifier. On peut vous accuser de beaucoup de choses, mais pas de ça. Or, si Dieu voit de l'orgueil en nous, le livre des Proverbes nous répète qu'il n'aime pas cela du tout. Posons-nous maintenant la question. Quelles sont les causes de l'orgueil dans la vie d'une personne? Premièrement, nous pouvons dire qu'une personne orgueilleuse est centrée sur elle-même. Elle est le soleil et tout le reste tourne autour d'elle comme des planètes. Elle accorde avec importance démesurée à ses sentiments, à ses désirs, à ses ambitions, à ses objectifs, à sa performance. À côté de cela, les personnes qui gravitent autour d'elle, ou encore la volonté de Dieu et le plan et l'objectif de Dieu pour sa vie, paraissent bien dérisoires. Voilà le genre de pensée qui nourrit l'orgueil dans une vie. Deuxièmement, et cela peut sembler paradoxal, l'orgueil sert souvent à masquer un profond sentiment d'inaptitude et d'incapacité. Une personne qui veut parler fort, passer toujours en premier et monopoliser l'attention exprime souvent un sentiment d'insécurité intérieure. Son besoin d'attirer l'attention à tout prix d'être reconnue à ce qu'elle estime être sa juste valeur et d'être remarquée indique habituellement un manque dans sa vie, car une personne orgueilleuse souffre d'un vide béant à l'intérieur d'elle. C'est pourquoi elle cherchera à meubler ce vide intérieur par des compensations provenant de l'extérieur. Troisièmement, l'orgueil peut être nourri quand les gens se voient offrir des promotions et des positions pour lesquelles ils ne sont pas prêts. Et cela n'arrive pas seulement à des personnes occupant de hautes fonctions dans le monde séculier. L'Église aussi est exposée à ce danger, car si une personne ne possède aucune autorité et qu'on lui en donne un peu, elle se retrouve devant une tentation. Dieu, lui, sait exactement ce qu'il peut nous donner dans la vie pour nous préparer à la prochaine étape de son plan. Or, parfois, nous donnons aux gens des responsabilités ou nous leur confions des tâches quand elles ne sont pas prêtes à les assumer. Il ne s'agit pas ici d'un manque de compétences, mais d'humilité. À l'intérieur de mon ministère, j'ai déjà vu survenir des personnes qui possédaient un merveilleux témoignage. Et souvent, l'Église les élève en leur demandant de parler devant l'Assemblée ou d'occuper certaines charges pour lesquelles elles ne sont pas encore prêtes. C'est à ce moment que Satan les fait tomber dans son piège préféré. Elles n'étaient pas prêtes, spirituellement, à recevoir toute l'approbation, l'acceptation, l'admiration, la reconnaissance et les applaudissements qu'elles ont reçus. Elles n'étaient pas encore rendues à ce point dans leur vie. Et cela peut se produire à tous les niveaux dans le ministère. Certaines personnes ont seulement besoin d'un tout petit peu d'approbation avant de croire tout ce qu'elles entendent. Une personne engagée sur le chemin périlleux de l'orgueil croira toutes les bonnes choses qu'on dit sur elle. Elle les croira et elle en jouira. Pour éviter ce piège, j'aimerais vous suggérer ceci. Si vous prenez conscience que vous prenez peut-être un peu trop plaisir aux compliments, vous n'avez qu'à penser « J'ai fait cela pour Jésus ». Vous n'avez pas à vous défendre devant une personne qui, après tout, voulait être gentille avec vous, mais vous n'êtes pas obligé non plus de laisser les éloges vous enfler la tête. Car après tout, si vous n'accomplissez pas votre travail pour Jésus, vous ne devriez pas occuper un poste aussi élevé. Peu importe si vous parlez devant 3 ou 4 personnes ou 3 ou 4 000 personnes. Si vous commencez à aimer les louanges qu'on vous adresse, et nous sommes tous un peu comme cela, vous êtes en danger. Vous vous exposez à tomber dans un piège susceptible de nuire à votre marche chrétienne. Mieux vaut donc vous y préparer. Toute occasion que le Seigneur vous donne est une arme à 2 tranchants. Vous devez donc être très prudent. La meilleure manière de se préparer au succès est d'être sensible à l'appel de Dieu dans votre vie. Cela veut-il dire que vous ne devez pas accepter d'être apprécié par votre entourage? Je ne dis pas cela. Cependant, il faut bien comprendre que c'est une chose d'accepter d'être apprécié et une autre chose de rechercher l'appréciation de vos semblables à tout prix. Car, à ce moment, vous n'écoutez plus la volonté de Dieu, mais le désir de votre propre ego. Quelle que soit l'opportunité de service que le Seigneur a préparée d'avance pour vous, vous devez toujours vous demander « Quel est mon véritable but? Est-ce vraiment d'aider mon prochain? Est-ce que je veux vraiment aider cette personne à découvrir la présence de Dieu dans sa vie? Quel est le but poursuivi? » Car en vous questionnant sur votre but, vous pourrez déterminer avec l'aide de Dieu si vous acceptez l'approbation et la reconnaissance des autres parce que vous avez dit la vérité et que vous avez obéi à Dieu ou parce que cela satisfait en vous un besoin très charnel. Car les conséquences de l'orgueil sont multiples. Vous pouvez nuire à votre témoignage et ainsi compromettre ce qui a été accompli jusque-là. Une des racines de l'orgueil est le fait que nous oublions parfois de reconnaître Dieu comme étant la source de tout ce que nous avons. Richesse, charisme, succès, habileté, talent. Nommez-moi une chose qui ne vient pas de Dieu. Nommez-moi une chose qui ne vous a pas été accordée en vertu du sang de Jésus-Christ versé pour vous sur la croix. Que seriez-vous sans la bonté, l'amour et la compassion de Dieu? Tout vous a été donné par Dieu, parce que Jésus-Christ a payé la dette de vos péchés par sa mort expiatoire sur la croix du calvaire. Et si vous avez accepté par la foi ce don formidable et inespéré de la part du Dieu fait homme, la grâce du Père vous a pardonné et purifié de vos péchés, et vous marchez maintenant dans la sainteté devant lui. Or, quand nous laissons ce débordement de bénédictions non méritées nous monter à la tête, nous cherchons à devenir autonomes à l'égard de Dieu. Nous ne le reconnaissons plus comme la source de ses bénédictions et nous tombons dans le panneau de l'orgueil. Retenez bien cette formule. Si Dieu n'est plus dans votre vie, l'orgueil le remplacera. Si nous faisons sortir Dieu, l'orgueil entrera par la même porte. Nous penserons dans notre cœur, « Je n'ai pas besoin de Dieu dans cet aspect particulier de ma vie. » Et alors, préparons-nous à sauter. Bonjour les pièges, bonjour les mines, au premier pas, bang! Un échec. Dieu nous descendra de notre piédestal, car il nous aime. Si nous posons le pied délibérément et volontairement sur une mine d'incrédulité, nous douterons de la puissance de Dieu et nous commencerons à nous éloigner de lui. Les conséquences seraient désastreuses, pouvant même aller jusqu'à l'autodestruction. Méditons sur ces conséquences pendant quelques instants. Quelles sont les conséquences de l'orgueil dans notre vie? Aucun homme ou aucune femme ne peut les assumer. Pouvons-nous prendre le risque de tolérer dans notre vie une chose pour laquelle Dieu entretient de la haine? Imaginez que vous ayez un fils ou une fille qui commence à prendre de la drogue. N'éprouveriez-vous pas de la haine pour cette drogue, alors que vous la voyez transformer l'être aimé en zombie? Il est tout à fait normal de détester une chose qui détruit votre enfant. Vous ne pouvez tolérer de voir cette drogue compromettre un avenir prometteur. Vous souffrez de devenir un étranger pour votre enfant. Dieu déteste le péché et tout spécialement l'orgueil pour les mêmes raisons. L'orgueil est un affront devant Dieu, car c'est lui dire « Je n'ai pas besoin de toi ». Quelles en sont les conséquences? Premièrement, notre relation avec Dieu s'en trouvera affectée. Comment pourrions-nous entretenir une bonne relation avec Dieu quand il dit qu'il déteste l'orgueil et que nous laissons entrer l'orgueil dans notre vie? L'orgueil nuit à notre relation avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. L'orgueil nuit également à notre relation avec notre entourage. Car à dire vrai, personne n'aime se trouver en compagnie d'une personne orgueilleuse et égoïste qui réclame sans cesse plus d'attention. Elle doit toujours tirer à elle toute la couverture et elle enviera toute autre personne qui détourne d'elle l'attention dont elle a tant besoin en tout temps. L'orgueil nuit à votre relation avec les autres. L'orgueil nuira aussi à vos capacités de chef. Lorsque vous êtes responsable d'un groupe au travail ou à l'église pour l'enseignement, pour la prédication de l'Évangile, pour l'œuvre d'évangélisation ou autre chose, l'orgueil vous nuira pour la raison suivante. Les personnes qui vous suivent ont besoin de croire en vous. Elles doivent vous faire confiance. Or, si vous devenez orgueilleux, vous laissez entrer de l'interférence dans votre communication avec les autres. Cette interférence entre dans votre cœur. Les gens qui veulent vous suivre prennent conscience du fait que vous vous servez d'eux pour flatter votre ego. Vous voulez atteindre un but, un objectif, un sommet, accomplir et réussir quelque chose, et vous êtes prêt à tout pour y arriver. Vous devenez tellement absorbé par ce but que vous ne voyez plus rien ni personne d'autre. Il devient très difficile pour les autres de vous suivre, car ils ne peuvent plus vous faire pleinement confiance. Si vous voulez prendre la direction d'un projet et que vous laissez l'orgueil exercer une influence sur vous, les conséquences seront dévastatrices. Les gens qui voulaient vous suivre auront beaucoup de difficultés à continuer à le faire. Un chef qui se laisse dominer par l'orgueil pourra manifester un autre symptôme. Il commencera à faire preuve de favoritisme envers les gens qui flattent son ego. J'ai vu une telle chose se produire à quelques reprises. Et en voulant flatter l'ego d'un chef orgueilleux, une personne se déprécie elle-même afin d'être appréciée par son chef. Et puisque le chef a lui aussi besoin d'être apprécié pour nourrir son ego, il se laissera manipuler par la personne qui le flatte. Et plus son ego est nourri, plus la volonté de Dieu perd de son importance. Quel piège! Quel désastre! Quelle honte! Quelle gifle infligée à l'Église! Nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes, et nous devons marcher dans la sainteté devant lui. L'orgueil ne devrait avoir aucune place dans notre vie. Et si on me demande, puis-je au moins être fier du travail que j'ai accompli? Non, vous ne le pouvez pas. Vous pouvez être reconnaissant envers Dieu, car il a béni l'œuvre de vos mains. Vous pouvez éprouver de la reconnaissance envers Dieu, mais pas de fierté, et encore moins de l'orgueil. Vous pouvez exprimer votre gratitude avec action de grâce au Dieu Tout-Puissant, qui, dans sa grâce et sa compassion, a consenti à vous utiliser pour apporter une bénédiction dans la vie d'une autre personne ou d'un groupe. Toutefois, il n'est pas question d'orgueil ici. Il est question de gratitude et de remettre à Dieu ce qui revient à Dieu. Une autre conséquence de l'orgueil est d'atténuer jusqu'à l'extinction complète l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit travaille pour la gloire de Dieu et non pas pour nourrir un orgueil d'homme. Une autre stratégie de Satan et un autre piège consiste à ne pas nuire à votre succès en espérant que la réussite vous incitera à ne plus dépendre de Dieu. Le tentateur nous laisse une certaine longueur de corde afin de mieux nous pendre avec. Nous voyons souvent des gens réussir très bien au début de leur ministère et nous les voyons progressivement déraper dans la courbe de l'orgueil. Nous sentons l'orage gronder, mais quand nous essayons de les prévenir, ils répliquent « Mais non, voyons, regardez comme les choses vont bien, j'ai réussi ceci et cela. » Or, là n'est pas la question. Si on revient à notre passage, on se rappelle qu'une année entière s'était écoulée depuis l'interprétation du rêve de Daniel et son avertissement adressé au roi. Une année complète, et le roi de Babylone n'avait toujours pas amendé ses voies. Dieu nous démontre ainsi sa grâce, sa bonté, son amour et surtout sa patience. Il a attendu un an avant de juger le roi pour lui donner l'occasion de se repentir de son orgueil. Dieu use de grâce et de bonté envers nous en ne nous frappant pas au premier jour de notre égarement. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne nous corrigera jamais. L'œuvre du Saint-Esprit peut être éteinte par l'orgueil humain. Il est parfois triste de constater comment certaines personnes tellement douées, talentueuses et habiles grâce à Dieu décident un jour de continuer sans lui. Par manque de discernement, elles sont aveuglées par leur propre performance. Elles se disent « Quel beau travail! Quel succès !» Or, les gens doués de discernement peuvent voir la différence. Ils savent si une chose vient de Dieu ou de la chair. Dieu déteste l'œuvre de la chair, et si nous décidons d'emprunter cette voie, Dieu apportera, tôt ou tard, les correctifs nécessaires. Une des pires conséquences de l'orgueil est celle-ci. L'orgueil diminue la soif de prier. Il nous incite à arrêter de prier. Si je ne prie pas, je ne pourrai pas être utilisé efficacement par Dieu. Et je ne marcherai pas dans la sainteté devant lui. Peu importe ce que je fais, mon ministère n'aura pas l'influence nécessaire que Dieu pourrait lui insuffler. Car la prière garde mon attention centrée sur Dieu. Elle me rappelle combien j'ai besoin de lui. Elle me garde branché à son pouvoir. La prière est le canal de transmission par lequel je communique avec Dieu et par lequel il communique avec moi pour me rappeler ma totale, absolue et incessante dépendance de lui. Or, l'orgueil éteint le feu de la prière dans notre vie, et un chrétien qui ne prie pas s'expose à commettre d'horribles erreurs. Il s'égarera dans le péché et posera le pied sur une mine après l'autre, car il aura perdu la sensibilité et le discernement nécessaires pour repérer ces pièges de Satan. L'orgueil engendre toujours une diminution de prière. Une autre conséquence de l'orgueil est celle-ci. Et combien de fois ai-je vu cela se produire? Dieu commence à utiliser une personne, mais elle s'enfle d'orgueil. Et que fait Dieu à ce moment? Il la met de côté. Il cesse de l'utiliser, car Dieu déteste l'orgueil. Peu importe qui nous sommes, il n'honorera pas notre travail s'il est infesté d'orgueil. À cause de sa grâce, Dieu nous permettra de nous repentir de nos mauvaises voies. Mais si nous ne profitons pas de ses chances, il nous enverra promener. À ce moment, nous perdons notre récompense, et quand nous paraîtrons devant le Seigneur au jour du jugement, toute œuvre suscitée par notre orgueil, peu importe sa nature, sera perdue, car nos motivations étaient mauvaises. Finalement, la conséquence ultime de l'orgueil est de vous fermer les portes du ciel. Si vous êtes une de ces personnes qui aiment dire « Je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre, je n'ai pas besoin de ce genre de béquille », vous venez alors de confesser le péché ultime. Ne réalisez-vous pas que votre incrédulité n'est rien d'autre que de l'orgueil? Vous pensez ne pas avoir besoin de votre Créateur. Vous pensez ne pas avoir besoin d'un Sauveur. Vous n'avez que faire du Souverain de l'univers. Vous vous suffisez à vous-même. Rendez-vous compte qu'il n'y a pas d'égoïsme, d'arrogance et d'orgueil plus grand que cela? Je ne cherche pas à vous critiquer. Je suis seulement inquiet du fait que vous ne vous êtes pas arrêté à penser que, si vous ne voulez pas de Jésus-Christ comme Sauveur, il sera un jour votre juge. Car c'est lui qui déterminera où vous passerez l'éternité. L'horrible conséquence de l'orgueil et son ultime conséquence sera de vous avoir fait rater votre rendez-vous au ciel. Parce que vous pensiez ne pas avoir besoin de Dieu. Dire que vous n'avez pas besoin de Jésus est, comme Charles Stanley l'a souligné, la pire expression d'orgueil dont vous soyez capable. Car en vérité, nous avons tous besoin du Seigneur. Et si vous avez reconnu dans votre vie la présence de l'orgueil, repentez-vous devant Dieu afin qu'il vous sauve, vous pardonne et fasse de vous son enfant. Dieu m'a fait voir que le seul acteur indispensable à l'exécution de son plan de salut pour l'humanité est son Fils Jésus-Christ. Tous les autres ne sont que des figurants aisément remplaçables. Si je refuse d'accomplir une bonne œuvre préparée d'avance pour moi, Dieu n'est jamais à bout de ressources et il trouvera un autre moyen, un autre serviteur ou une servante plus fidèle. Le seul perdant sera moi, car j'en perdrai la bénédiction. Et si j'accomplis cette bonne œuvre, je lui rends grâce de m'en avoir rendu capable, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.